Je n'ai rien à faire dans ce train qui roule du soir au matin. Toutes les cartes se ressemblent depuis qu'on n'est plus ensemble. C'est une voix à contresens, une bouteille à la mer que l'on lance. Le monde de je pense. Aussi loin que je me souvienne, rébellion, notre reine, déesse sans armes et sans règles, mais le feu sur un cœur qui saigne. Bien sûr, il est long le chemin, ces détours nous perdent sans fin. De l'ombre des gratte-ciel, aux vapeurs. Je me souviens, rébellion, notre reine, déesse sans armes et sans haine, mais le feu sur un cœur qui saigne. Je me souviens, rébellion.